Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Duprès 1862. Question 37. Des prescriptions légales observées à l'égard de l'enfant Jésus, et, d'abord, de la circoncision. Convenance de la circoncision, le nom de Jésus, son oblation, la purification de Marie. 1. Le Christ a-t-il dû être circoncis? Il est écrit, lorsqu'arriva le huitième jour auquel on devait circoncire l'enfant, Luc 2:21. Le Christ a voulu être circoncis pour plusieurs raisons. Il a montré par là qu'il avait une chair humaine, que la circoncision était d'institution divine, qu'il était de la race d'Abraham, qu'il obéissait à la loi, qu'il en prenait sur lui le fardeau, afin de nous en décharger. Dieu, dit saint Paul, a envoyé son Fils, formé sous l'empire de la loi, pour racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Galates 4:4. Note. La circoncision du Christ avait aussi pour but notre circoncision spirituelle. Fin de la note. 2. Est-ce avec raison que l'on donna au Christ le nom de Jésus? Les noms que Dieu lui-même impose expriment toujours quelques dons du ciel. Le Christ, établi par une disposition de la grâce divine pour être le rédempteur du genre humain, a reçu avec raison le nom de Jésus, qui signifie sauveur. L'ange avait indiqué ce nom d'avance, non seulement à Marie, mais à Joseph. Note. Le nom de Jésus est renfermé de quelque manière dans tous les autres dont parle l'Écriture. Ainsi celui d'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », désigne la cause du salut par l'union hypostatique de la nature divine avec la nature humaine. Dans les noms d'admirable, Orient, etc., c'est toujours l'idée du salut qu'on entend exprimer. Fin de la note. 3. Était-il convenable que le Christ fût offert dans le temple? Il y avait dans la loi deux préceptes concernant les enfants nouveau-nés, l'un, d'offrir un sacrifice, lorsque les jours de la purification de la mère étaient accomplis, le second, de consacrer au Seigneur tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Il convenait que ces deux préceptes fussent observés à l'égard de notre Seigneur, premier-né fils unique de sa mère. Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile, ils portèrent l'enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur et pour offrir l'hostie, selon ce qui est écrit dans la loi. Luc 2:22. Note. Le Fils de Dieu s'est fait homme et a été circoncis pour nous aussi il a voulu être consacré au Seigneur, dans le but de nous apprendre à nous y consacrer nous-mêmes. On présenta pour lui deux tourterelles, offrande des pauvres, parce que, tout riche qu'il était, il se faisait pauvre pour les hommes, afin de les enrichir de sa propre indigence. 2. Corinthiens 8, 9. Fin de la note. 4. Était-il convenable que Marie vînt au temple pour sa purification? Marie, par sa nouvelle dignité, était exempte des observances de la loi, mais le Christ, qui avait observé la circoncision et les autres prescriptions légales, voulut qu'elle accomplît le précepte de la purification pour donner l'exemple de l'obéissance, rendre témoignage à la loi et enlever aux Juifs tout sujet de calomnie. Note. L'Évangile en touche quelque chose en disant, quand le jour de sa purification fut arrivé, selon la loi de Moïse, Luc 2:22, parole qui indique que Marie agissait par respect pour le précepte de la loi. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.